Les nouvelles technologies. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Présentement, à l'échelle du globe, il se développe des technologies, notamment par rapport à l'informatique, qui s'intègrent extrêmement rapidement dans la société. C'est des technologies qui sont nouvelles et qui amènent des problèmes nouveaux. Donc, au moment où sont présentés ces mots, il y a le développement rapide de ce qu'on appelle les téléphones intelligents, les téléphones cellulaires, ensuite des ordinateurs, ensuite des tablettes informatiques, et ainsi de suite, qui occasionnent comme problématique eh bien, il y a du développement de cyberpirates, de cyberterroristes et aussi l'émergence de la cyberintimidation. Donc ça, c'est des problématiques qui sont inhérentes à l'insertion dans la société de ces nouvelles technologies. Et bien sûr, les technologies ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, elles sont. Donc un peu comme un couteau, elles sont à double tranchant. Un couteau, on peut s'en servir pour couper des aliments et bien sûr, on peut s'en servir aussi pour blesser autrui ou même commettre un meurtre. Donc, le couteau en soi n'est ni bon ni mauvais, mais il peut être utilisé pour faire plusieurs choses. Et c'est la même chose par rapport à la nouvelle technologie. Donc, à quelque part, la nouvelle technologie permet entre autres à ce que soit écouté l'enregistrement que vous entendez présentement, qui est diffusé sur Internet. Donc, ces enregistrements-là n'auraient pas existé il y a à peine quelques décennies parce que Internet n'existait pas et la technologie qui sert à les enregistrer non plus. Donc, autrement dit, elle donne des opportunités de permettre à des gens d'être entendus un peu partout de par le réseau Internet qui est mondial. Donc, des gens peuvent écouter cet enregistrement alors qu'ils sont situés en France, en Belgique, en Martinique. Donc, ça permet de faire voyager les idées rapidement. Mais en même temps, ben, ça permet aussi de développer des nouvelles problématiques sociales comme la question de la cyberintimidation. Et puis, par rapport aux nouvelles technologies, il ne faut pas que l'être humain soit fasciné par rapport aux technologies. Des gens qui sont trop enthousiastes par rapport à la technologie vont se faire englober par elle. Il y a des gens qui sont des joueurs compulsifs de jeux vidéo sur Internet à un point tel qu'ils font de la cyberdépendance et ils peuvent passer plusieurs jours, plusieurs heures devrais-je dire, à ne pas boire et ne pas manger à cause qu'ils sont totalement absorbés par des jeux vidéo. Donc, il y a des gens qui vont négliger les besoins fondamentaux au niveau physique à l'égard de leur vie, étant donné qu'ils sont très absorbés et influencés par l'Internet. Donc, les utilisateurs d'Internet doivent être en mesure de savoir à quel point ils peuvent utiliser ce média sans pour autant se laisser trop influencer par lui et à quelque part négliger ses autres sphères de vie, parce que quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Internet et qui ne va plus dehors, qui ne fait plus de sport, qui ne voit plus d'amis, progressivement devient isolé par la technologie de l'informatique. Et à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences négatives par rapport à son développement en tant qu'humain sur le plan global. Et par rapport aux nouvelles technologies de communication, qui sont censées favoriser la communication, paradoxalement, dans certains cas, elles vont nuire à la communication en personne. Par exemple, une personne va rencontrer une autre personne à un repas. Les deux sont en train de discuter ensemble. Et puis, le téléphone cellulaire sonne. Donc, au lieu d'être en présence et de manifester réellement le principe de l'amour de l'humain en étant disponible à lui, eh bien, l'une d'entre elles répond au téléphone cellulaire pour discuter avec une autre personne dans l'optique de la rencontrer un peu plus tard pour aller manger avec elle un repas. Et puis, à ce moment-là, la même personne qui vit pas le moment présent avec l'autre, parce qu'elle décide de laisser le téléphone intelligent ou le téléphone cellulaire ouvert alors qu'elle est en présence de l'autre personne, eh bien, la même personne va aller manger un peu plus tard avec une autre personne qui va également être au téléphone pendant qu'elle va manger avec elle et vice-versa. Alors, la personne n'est pas présente à ce qu'elle fait avec la personne qui est devant elle au restaurant. Et elle ne sera pas plus présente avec l'autre personne qu'elle va voir un peu plus tard dans la journée, parce que lorsqu'elle va être en présence de l'autre personne va prendre un téléphone cellulaire aussi alors qu'elle est au restaurant pour se planifier une rencontre avec une autre personne un peu plus tard. Et là aussi, à chaque rencontre qu'elle a avec une personne, elle se planifie tout le temps des rencontres avec d'autres personnes un peu plus tard ou elle discute avec d'autres personnes, eh bien, sa présence est dispersée. Elle n'est jamais totalement là. Elle ne vit pas la présence attentive. Et puis, la technologie, sous l'influence d'entités astrales, cherche à empêcher, dans les cas où ce que c'est des influences d'entités négatives, à ce que l'être humain soit réellement en contact avec un autre être humain. Donc, autrement dit, lorsque l'individu est sous l'influence de la technologie et devient quelque part au service de la technologie, eh bien, il ne développe pas une identité qui lui est propre. Et puis, à quelque part, il y a quelque chose de trompeur à l'égard de la technologie parce que si la personne vit en fonction des vidéos qu'elle va voir sur Internet, des enregistrements qu'elle écoute, eh bien, à ce moment-là, elle ne vit pas en fonction d'elle-même. Et comme elle s'avère constamment occupée à parler au téléphone cellulaire ou à écouter des vidéos, des enregistrements, elle n'est pas disponible à ce moment-là à écouter sa petite voix intérieure, c'est-à-dire à écouter son esprit. Et à ce moment-là, la technologie sert à quelque part les forces retardataires qui sont situées sur le plan de l'astral, parce que à chaque fois que l'individu est occupé avec la technologie, il n'est pas occupé à être en contact avec son esprit qui est lié au plan mental. Donc, autrement dit, lorsque l'individu vit seulement en fonction de la technologie, il est sous l'influence d'entités astrales qui ne veulent pas que l'individu reconnecte avec sa source et les autres êtres humains et qui veulent le garder tout le temps diverti avec des éléments qui sont en périphérie de son être, qui ne le permettent pas d'atteindre un état de conscience élevé et d'être en contact avec sa globalité. La technologie divise l'individu lui-même plutôt que lui permettre d'accéder à une conscience unifiée, parce que la conscience unifiée va émerger lorsque l'individu est en contact réel avec son intériorité et qu'il peut vivre une communication télépathique avec son esprit. Mais pour vivre cet état de contact-là, ça lui prend du temps, ça lui prend de l'espace de déploiement, alors que s'il est constamment bombardé par un paquet de courriels, un paquet de très grande quantité de gens qui lui écrivent régulièrement, ensuite de nombreux appels téléphoniques, ensuite de nombreuses vidéos, que ce soit de l'actualité, que ce soit des nouvelles, que ce soit des documentaires, s'il est tout le temps à s'abreuver de l'extérieur, il n'est pas disponible pour laisser émerger à l'intérieur de lui quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovateur, et donc il ne se permet pas de vivre le vide mental. Donc autrement dit, si la technologie empêche l'individu d'être branché sur lui-même, de se ressourcer, eh bien à ce moment-là, la technologie est plus néfaste qu'utile à l'individu. Et si l'individu vit constamment en fonction du plaisir fugace que lui donne la technologie, à savoir lorsqu'il écoute des vidéos avec des vedettes, avec de la musique, puis ça le divertit. Et quelque part, la technologie, c'est un petit peu comme un trou sans fond. Hein. Sur Internet, il y a des milliers d'informations qui sortent à chaque jour. Donc, quelqu'un peut être extrêmement occupé pendant une très longue période de temps avec la technologie. Cet individu devient tout le temps influencé par la technologie. À quelque part, il n'y a pas la disponibilité à offrir du temps, à être en contact avec lui-même, avec sa source. Et c'est la raison pour laquelle l'individu doit être capable de se ressourcer et se donner des espaces dans sa vie où ce qu'il va être en contact avec son intériorité. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui vient des technologies, c'est de l'extérieur vers l'intérieur le mouvement qui est produit. Donc, quelqu'un reçoit un courriel, reçoit un enregistrement vidéo de par son compte Internet, reçoit un téléphone. Donc, tout le temps des éléments extérieurs qui peuvent affecter son intériorité. Alors que lorsque l'individu tourne son regard vers l'intérieur et laisse émerger ce qui est en lui d'une manière créative, bien là, à ce moment-là, il se ressource. Là, à ce moment-là, il y a plus d'énergie parce que l'énergie passe de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui est son circuit naturel. L'individu est dénaturé tant aussi longtemps qu'il vit seulement en fonction de l'extérieur plutôt que vers l'intérieur parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'identité. Quelqu'un qui a une identité va agir d'une manière concordante avec sa source, de manière consciente, plutôt que d'agir constamment en fonction de ce qui est dit sur Internet. Internet peut donner certaines balises, certaines informations, mais si l'individu base sa vie exclusivement en fonction des informations présentées sur Internet, eh bien, à ce moment-là, l'individu peut être exposé à des informations de très bonne qualité et des informations de très mauvaise qualité aussi, parce que Internet, c'est un fourre-tout. Il y a des gens qui sont très compétents, d'autres qui ne sont pas. Et pour que l'individu réussisse à porter un jugement critique à l'égard de la multitude d'informations que lui acheminent des technologies, eh bien, ça se fait en fonction de sa capacité à faire une lecture vibratoire et de poser la question en allant à l'intérieur de lui, telle information qui est présentée sur Internet, est-ce que c'est réel ou non? Puis voir si ça vibre. Et si ça vibre, ben, ça lui donne une mesure que ça a une certaine réalité. Mais ça, c'est quelque chose que l'individu doit être capable de faire pour se positionner d'une manière adéquate par rapport aux nouvelles technologies. Donc, autrement dit, les technologies nouvelles ne sont pas mauvaises en soi, bien que l'enregistrement présent sert à jeter un regard critique à leur égard, mais il faut tout simplement être capable de se positionner. La priorité de l'individu qui se conscientise, c'est sa vie. C'est pas d'être au service des technologies. C'est pas d'être au service à une bande d'admirateurs de sa chaîne de vidéos sur Internet. Non, c'est sa vie en premier. Et ensuite, peut tenir compte d'informations qui proviennent d'environnement et d'évaluer dans quelle mesure que ça peut agrémenter ou non sa vie.